Numéro 6. Comment allez-vous? Ogenki desu ka? Comment vas-tu? Ogenki desu ka? Très bien, merci. Et vous? Hai, genki desu. Arigatou. Sochira wa? Cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ohisashiburi desu ne. Après vous, je vous en prie. Osaki ni dozo. Je vous en prie, faites donc. Dozo. Mettez-vous à l'aise. Dozo, go yukkuri nasatte kudasai. Puis-je m'asseoir ici? Soko ni suwatte mo ii desu ka? Oui, bien sûr, je vous en prie. Hai, mochiron, dozo.